Chapitre 10e. Voyage autour du monde. Suzanne alla droit à Paris. Elle se promena par la grande ville, tout émerveillée. Mais quand elle eut passé une heure à une réception à la cour, elle comprit qu'elle était là comme une étrangère. Ses yeux s'amusaient, mais son cœur se mourait d'ennui. Elle désira aller ailleurs. Ses compagnons de route la conduisirent, tout d'une haleine, jusqu'en Chine. Mais à quoi bon? Autant les Parisiens que les Chinois. Elle ne voulait pas s'enfermer dans une tour de porcelaine, ni vivre avec un magot ou un Chinois de paravent. Elle respira les oranges de l'Andalousie et les lauriers roses de l'Eurotas. Elle se promena en gondole à Venise, la Belle. Elle alla prier dans les catacombes de Rome. Elle se laissa éblouir par les mosquées de Constantinople. Elle quitta les Turcs pour les sauvages de la mer du Sud. Elle descendit de son carrosse, ou plutôt de sa tulipe, pour voir de plus près un roi tout noir, comme si son premier esclave lui eût barbouillé la figure d'encre de la petite vertu. En voyant toutes ces affreuses figures noires, elle demanda encore à aller ailleurs. La fée Aurore, armée d'une torche lumineuse, la conduisit un peu partout. Elle vit le monde à vol d'oiseau, sans jamais perdre de vue le toit natal et la fumée de sa cheminée rouge, même au jardin de Damas, où fut le paradis terrestre. La pauvre enfant ne comprenait rien au tombeau de Virgile, ni aux enseignements que le passé lègue à l'avenir. Que lui faisait le Vésuve en furie, elle qui ne cherchait pas les secrets de la création? Que lui faisait Pompéi, cette fenêtre ouverte sur le passé, à elle qui ne savait pas un mot d'histoire? Elle ne savait que son catéchisme, et c'est la vraie science des cœurs simples. Rien ne l'amusait, pas même le carnaval de Venise. Mais elle fut bien heureuse de voir Jérusalem et de s'agenouiller au tombeau du Seigneur. Elle s'amusa pourtant à un bal qu'on lui donna dans le royaume des chats, car ses chats ailés n'avaient pas manqué de la conduire dans ce beau pays qui n'est pas encore découvert.